Les belles rencontres. Aujourd'hui, nous vous présentons la deuxième partie de l'entretien qu'a eu Anne Bergeron avec l'artiste peintre de Dodwell, Stuart Main. Je donnais avec le rouge. Fait que vous n'en mettez pas dans du rouge? Oh, non, j'en ai déjà mis, puis j'en ai déjà mis, puis des fois ça marche, mais... Ça fait pas partie de votre palette d'une façon régulière? Ben, j'ai toutes les couleurs sur la palette. Okay. J'ai genre une vingtaine, de 25 couleurs sur ma palette. Ah oui! Ben, ça paraît pas. OK. OK. Ça veut dire que votre palette, est-ce qu'elle est en bois ou c'est une palette... Non, une palette avec du papier qu'on peut... En... Non, c'est upright, c'est bien. OK. Oui, je sais. Tu le laves. Oui, ouais, je sais c'est quoi. C'est un genre de plastique blanc, c'est ça? C'est ça. OK. Ouais. Fait que vous faites votre palette tout le temps. Oui, oui. Puis vous mettez 20-25 couleurs. OK, mais c'est ça prend un bon 10-15 minutes. Ben, oh non, je prépare ça avant que je sois chez moi. OK. Ça ne sèche pas vite. Hein. Ben non, l'huile, c'est ça. C'est bon pour une semaine. Ça. Oui. Mais, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez vos couleurs, vos ocres, vos couleurs. Des terres ombres, des ombres. Oui, oui, la terre, oui. Burnt umber, raw umber. Oui, terre de... Burnt sienne. Terre de sienne, en tout cas, oui. Le jaune, puis le... Pas beaucoup de jaune. Ah non, vous mettez pas beaucoup de jaune. Pas de jaune. J'en ai un petit peu, mais c'est dilué un peu. Ça, c'est pas des jaunes forts. OK. Hein. Non, c'est très doux, vos toiles. Ah, tout se fond, puis on peut... Ce qui est important, c'est que nos yeux, quand ils se promènent partout, tu sais, c'est ça que, au lieu qu'ils soient tout le temps à la même place, on peut courir nos yeux partout sur votre toile. Tu sais, c'est... On voyage. C'est bon. Ouais, c'est bien. Mais dans vos 20-25 couleurs, il y a certainement du bleu, du blanc. J'ai un, deux, trois, quatre bleus. OK, c'est ça. Ouais, vous faites des nuances. Ouais. Il y a des couleurs chaudes et des couleurs froides. Oui. Comme les noirs, est-ce que vous les faites? Oui, de temps en temps, je mets du noir, mais pas souvent. Il fallait me faire des noirs avec l'ultramarine. Oui, c'est ça, vous les faites. Ouais, ouais. Puis les verres, est-ce que vous les faites aussi? Non, ben je mélange un petit peu, mais il y a un, deux, trois, quatre verres aussi. Okay. Parce que moi, je trouve ça bien intéressant, la façon dont les peintres font leurs palettes. Oui, ben c'est ça, c'est ça. N'est pas deux pareils. Mon ami à Austin, à Toronto, à Austin Robichaud, je sais pas où c'est. Lui, il prend 6-8 couleurs, c'est tout. C'est ça. Puis il fait des beaux choses. Des belles choses. Mais, c'est toujours pareil. Moi, je suis pas capable. Moi, je gaspille ton temps à faire des mélanges. Quand le couleur ah, okay. est là, oui, je comprends. C'est plus vite que. C'est vrai, c'est direct, plus vite. Ouais, c'est le matériel. Ouais. C'est aussi toi quand tu travailles dehors, t'as pas le temps de. De tout faire, c'est vrai. Mais c'est vrai parce que surtout quand on spontanément, on se dit on va faire telle couleur, oups, on ne l'a pas. Fait que des fois, ça enlève un petit peu la spontanéité pour la faire. Ouais. Puis quand t'es là, bon, ben, ça va bien. Je connais des peintres qui font tout le mélange avant de commencer. Oui. Ouais, ça va bien. Moi, la seule chose qui arrive là, toutes les toiles ensemble, pareil. Moi, quand je travaille l'été, c'est pas les mêmes couleurs que j'utilise quand je travaille l'automne ou l'hiver. Mm-hmm. C'est pas les mêmes couleurs. Non, mais c'est ça. Fait que vous composez avec les saisons. C'est ça. Puis, est-ce que vous travaillez en atelier ou c'est principalement dehors? Ben, il est fini en atelier. OK, vous les finissez. Ah, ouais. OK. Sont à peu près 95% fini avant. Quand j'arrive à la maison, puis là, je travaille un petit peu pour les finir. Puis des fois, l'éclairage, elle peut changer aussi, puis ça donne un autre point de vue. Oui. Puis, parmi vos sujets, c'est lesquels qui vous inspirent le plus? C'est-tu les paysages, les portraits? Qu'est-ce que... Mais quand j'étais dans le graphiste, ouais. Je faisais beaucoup de la mode, des femmes, en tout cas. J'aimais ça. Faire de la mode. Ouais. Quand j'étais fait des belles femmes. Oui, oui, oui. Là, j'en fais moins à ce stade, certain. À ce stade, je commence à faire des films de cowboys aussi. Ah oui. Ça, j'aime ça, le western, les films de western. Oui. Parce que j'ai toujours aimé faire des chevaux. Vous avez toujours fait, mais on en voit tout le temps des chevaux, hein, ou presque tout le temps. C'est pas quand même grand chose à mettre un cowboy là-dessus. Ça va dans. Tu fais quelque chose pour un temps, là, puis tu t'ennuies de ça, puis tu fais passer une autre chose. OK. Fait que ça veut dire qu'à un moment donné, vous pouvez faire des paysages, puis là, à un moment donné, vous faites des portraits. Oui, c'est ça, ouais. Puis quand vous faites des portraits, ben, ça arrive plus souvent que vous faites des paysages que des portraits? Oui. Parce que pour faire des portraits, il faut que vous ayez un modèle. Là, je commence à faire 100 modèles. Je n'ai fait autant dans ma vie. Je suis capable de faire une toile d'une personne sans regarder derrière. Sans la regarder. Ah. Parce que vous saisissez les traits. Ah, c'est ça. Vous avez été habitué à observer. Oui. Même chose avec un paysage. Je peux faire un paysage sans regarder. Il y a tout ici, tu vois. Oui. Oui, pas inventé. Oui, inventé. Mais on a fait autant dans notre vie, on sait comment ça va. Ouais. Mais moi, j'ai déjà vu que vous faisiez vos autoportraits aussi à vous. C'est ça, ouais. Mais qu'est-ce que vous faites pour le faire? Est-ce que vous vous regardez dans le miroir? OK. Ouais. Je pense que Van Gogh... J'aime pas ça travailler avec une photo. J'ai fait beaucoup de ça quand j'étais en graphiste parce que on prend des photos d'une personne pour faire exactement ce qu'on veut que la personne fasse. J'ai toujours travaillé pour des photos master, autant de... Ouais, plus la peinture en direct, que ce soit un portrait ou... Parce que vous avez déjà, vous savez c'est quoi tout le temps faire les choses d'après un modèle, quand vous travaillez. J'aime ça travailler après le modèle, mais c'est rare qu'il n'y ait personne qui ait une heure à poser pour. Tout le monde est occupé, on a d'autres choses à faire. Puis si tu fais une personne là, puis tu travailles une heure là-dessus, puis ça il semble pas, t'as de la misère, il y a quelque chose qui marche pas là. T'as gaspillé le temps de le modèle pour rien. Mais il fallait essayer. J'aimerais ça en faire plus, pardon. J'aimerais ça s'il y avait une place qu'on puisse y aller comme. À Sherbrooke, il doit en avoir à Sherbrooke, mais j'ai jamais checké ça pour voir s'il y a des. Au fond, juste la modèle, le travail après la modèle. Oui. Ouais, je pense que, oui, d'après la modèle, il y en a, il s'en donnait, en tout cas, il y a quelques années, là. Peut-être que ça doit continuer à l'université samedi matin. C'est ça. On peut y aller. Sans nécessairement dire qu'on y va tout le temps, là, mais une fois de temps en temps, le samedi matin, au local des arts visuels à l'université. Ça, je savais qu'il y en avait parce que je sais, là. Je suis déjà allée. Fait que, c'est ça. Alors, vous êtes quand même un bon physionomiste. Physionomiste, vous saisissez la physionomie des gens. Ah oui, j'ai fait autant. En graphiste, il faut avoir du monde content qui rit, puis il y a le produit d'un nez qui est tout à fait. Puis de toute façon, il y a toujours des types de personnes, tu sais, hein, il y a telle personne, elle fait partie d'un type, puis. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça, pour peindre, quand vous avez. Le fait que vous allez un peu partout pour peindre, vous avez pas vraiment de discipline parce que vous peignez tout le temps. je travaille pas tous les jours, voilà. Pas tous les jours? Non, moi je pas. Non, j'étais la semaine passée à Charlevoix. Mais avant ça, un mois, j'ai rien fait dehors. Ah, OK. Pendant un mois, ça donnait que. Là, il faut dire que c'était la fin de l'hiver, puis tout ça. C'est ça, ouais. Non. Mais ça peut arriver pendant un mois que vous ne peignez pas dehors. Ah oui. Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Est-ce que vous peignez en dedans? Je fais des films de western. Oui. Les affaires de western, vous inventez des sujets comme ça. Mais en fin de compte, vous êtes toujours occupé. Oui, mais pas tous les jours. Il y a des jours que je ne touche pas de pinceau du tout. Faut pas non plus se restreindre tout le temps. Hein. Ben, mettons, vous ne sentez pas qu'il faut que vous peigniez cette journée-là, vous ne le faites pas, tout simplement. Ouais, si tu travailles juste pour travailler, là, c'est pas le fun. Il faut avoir du fun avec. C'est hein, ça. Moi, faut avoir du plaisir. Ah oui, certain. Mm-hmm. Puis là, est-ce que vous vous enseignez? J'ai fait une fois. Vous avez fait une fois? juste une fois. J'ai aimé ça. T'as des débutants, du monde qui n'ont jamais dessiné à rien. C'est difficile, par exemple. Mm-hmm. C'est difficile. Parce que t'es toujours en danger de faire tes élèves faire la même chose que toi. Ouais. En place de faire leur. Surtout si c'est des débutants. Ouais. C'est le même. Peut-être juste à lui montrer comment dessiner un peu. Puis comment mélanger les couleurs. Oui. Puis après ça, laisser aller. Oui. Ouais. Comme la complémentarité des couleurs, ouais, puis le point de fuite. Ouais. Des fois, c'est plus difficile à comprendre. Mais la base, là. Ouais. Mm-hmm. Mais est-ce que vous faites. Je sais que vous faites aussi des symposiums. Ah oui, j'en fais souvent. Vous en faites souvent. Puis, vous faites des démonstrations de peinture aussi dans les symposiums? Non, je laisse ça aux autres. Vous laissez ça aux autres? Ouais. OK. C'est pas. Il y en a qui sont bons dans ça. Mm-hmm. Je sais pas si vous connaissez Jacques. Comment ça s'appelle? Jacques Hibert. C'est un aquarelliste. Lui, ça me dit quelque chose. Ça, c'est un gars qui est un showman. Il est bon. Oui, c'est ça. Il y en a qui ont. Il faut voir le tour. Il faut voir le. C'est ça. C'est parce que faut être capable de parler en même temps qu'on peint, ouais, parce que ça. C'est une concentration de peindre. C'est comme un recueillement. Puis quand on parle, ben des fois, ça peut changer. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment faire les deux en même temps. Avec du monde qui font. Ils font voir de la peinture du tout, c'est facile parce que tu peux faire ton frère un peu, là, puis tout le monde, là, tu fais ça comme là, c'est facile, mais c'est jamais facile. Fait que c'est. Fait que donc, on a pas mal fait le tour. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais vous avez un parcours de vie tellement intéressant et enrichissant que c'est dur de parler de ça seulement en quelques minutes, mais on en sait quand même pas mal. Mais c'est dans le sens que je trouve ça intéressant que vous vous réunissiez pour peindre. Ça, c'est très important. Ça veut dire que vous sillonnez un peu la province? Pas mal, oui. Pas mal la province. Oui. Et Ontario un petit peu aussi, États-Unis un petit peu. Puis là, votre palette de couleurs aussi. En fin de compte, vous êtes très, très actif dans vos toiles. Mais j'aime ça. Oui, c'est sans ça. Sans ça, je sais pas que je fais. Sans, ouais. C'est comme une flamme que vous avez continuellement. Ouais. Ça vient, quand il y a deux, trois jours, t'as rien fait, là t'es. Tu veux commencer à travailler. C'est ça. Y a il faut que tu travailles. C'est ça, il y a un appel, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, merci beaucoup, Stuart. Maintenant, on a fait, même si grosso modo le tour. C'est ça. Fait que merci infiniment pour votre grande collaboration puis votre grande générosité à partager votre passion artistique. Puis même, je pourrais dire, votre grande passion artistique aussi. Parce que vous êtes assez autonome beaucoup là-dedans, puis vous avez trouvé votre signature, votre couleur, tout naturellement. Vos toiles sont la mémoire de nos campagnes à travers les saisons où vos œuvres rendent hommage à nos trésors champagne. Alors bonjour et merci beaucoup. Merci beaucoup, merci.